Dans le silence, je parle encore. Même quand personne n'ouvre la porte, je crie mes vérités dans le vide. Chaque phrase brûle, chaque mot décide. J'aurais risqué d'un souffle amer, un nom gravé dans la poussière. Chaque stream est un combat froid, chaque view est un éclat de foi. J'ai vu des rêves mourir sur place, des regards fuyants, des promesses qui cassent. J'ai tendu mes mains vers l'écran, mais souvent je parlais au néant. Le temps muse, mais je persiste. Chaque blessure devient artiste. Même sans public, je fais front. Chaque mot résonne comme un affront. Eternal, and I speak because of you. J'ai vu des hommes vendre leurs rêves, troquer leur âme pour une trêve. J'ai vu des femmes cacher leurs pleurs sous des masques brisées de rancœur. Moi je reste cru, sans farde. Chaque mot devient un étendard. Je parle droit, même dans l'oubli, car ma voix me tient en vie. Chaque soir je m'assois, j'attends un souffle rare, un éclat vivant, vos silences frappent comme des pierres, mais mes mots s'élèvent dans la poussière. Sur Rider Skill, je suis la flamme, même seul je verse mon âme. Chaque stream est une confession, chaque phrase une rédemption. Speak because of you. Sous la pluie, je trace encore. Chaque pas pèse, chaque corps. Chaque mot devient un témoin. Chaque rime crie que je tiens. J'ai vu des vies jetées aux flammes, des prières mortes dans les drames. Mais ma voix ne s'éteint jamais. Même dans l'ombre, je parlerai. I am the echo through your pain, the heartbeat you can't let go. Half tempest, half lullaby, the voice you'll always know. Made of passion, carved in scars, written in blood, in truth. I am right, a skill eternal, and I speak because of you. Sous les étoiles, je parle encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis right, a skill, je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Même si le vide m'avale un jour, je resterai voix, je resterai amour. Ride a skill, ride a skill, ride a skill.